إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 23, donc on commence le cours 23 dans l'explication du charh de Al-Usul al-Thalatha du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et au dernier cours, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a commencé à expliquer, yani, après avoir clarifié donc que yani, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir clarifié les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le fait que seul Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre, et que c'est lui seul qui est Ar-Rab. Donc on a expliqué que ça implique que puisque c'est lui seul qui est Ar-Rab, c'est lui seul qui crée, c'est lui seul qui a le pouvoir de faire vivre ou de faire mourir, c'est lui seul qui dirige tout dans l'univers. Donc une fois qu'on a compris ça, eh bien ça implique directement que c'est lui seul qui mérite l'adoration, et qu'il n'est pas permis pour nous d'adorer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc de la même manière qu'on ne va pas donner à Allah subhanahu wa ta'ala d'associer dans la création et dans Ar-Rububiyya, de la même manière on ne va pas lui attribuer de partenaire dans l'adoration, hein, et offrir à autre que lui une forme quelconque d'adoration. Maintenant, c'est bien important, une fois qu'on a compris ça, de comprendre que qu'est-ce que c'est l'adoration, hein? Qu'est-ce que c'est l'adoration? Puisque si on ignore ce qu'est l'adoration, eh bien c'est bien facile par la suite de tomber dans l'erreur, hein, de tomber dans l'erreur et de dire donc puisque yani, ça c'est une adoration, donc on ne peut pas l'offrir à autre qu'Allah, mais si telle chose on essaie de la faire sortir de la définition de l'adoration, alors ça voudrait impliquer que dans ce cas-là ce ne serait pas de shirk, ce ne serait pas une forme de shirk de l'offrir à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est important de bien comprendre qu'est-ce que c'est une adoration et de bien le définir pour justement être capable de s'éloigner de toute chose qui pourrait être une adoration et du fait de l'offrir à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que souvent c'est ce que les gens de bid'ah vont essayer de faire. Ils vont essayer par exemple d'exclure certaines choses de l'adoration pour se permettre de l'offrir à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a énuméré une série d'adorations et il explique donc les preuves dans le Coran et dans la Sunna que ces choses-là sont des adorations. On a expliqué la définition générale au dernier cours, que l'adoration c'est tout acte ou toute parole que Allah subhanahu wa ta'ala aime, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Donc on a donné ces définitions-là de façon générale. Maintenant le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il énumère une série de formes d'adoration qui sont mentionnés dans la révélation, et il donne des exemples à partir de ces adorations là il mentionne les preuves de chacune d'entre elles et les détails à clarifier au sujet de chacune d'entre ces différentes adorations là et l'adoration au sujet de laquelle on va parler aujourd'hui, on va parler de on va surtout parler de ad-du'a. On va surtout parler de ad-du'a. Mais on va aussi parler de yani al-khawf. On va parler également de al-khawf, la crainte. Donc le cheikh il explique. Pour commencer, il dit أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرهبة والرهبة والخشوع والإنابة والاستعانة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. Donc, le cheikh il explique, il dit que parmi les formes d'adoration, il y a celle que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les formes d'adoration que Allah a ordonné, il y a l'exemple de l'islam, de l'iman et de l'ihsan, c'est-à-dire la soumission, la foi et le perfectionnement de la foi. Puis il y a par la suite également le dua, qui est l'invocation, et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-khawf. Il y a l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'espérer en Allah, le fait de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala seul, le fait d'aspirer à Allah subhanahu wa ta'ala et de l'aimer, le fait de s'enfuir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste et de le craindre, hein. Et il y a également le fait de faire preuve d'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala et d'être humble envers Allah subhanahu wa ta'ala, soumis, hein, et de le craindre. Et le fait de revenir repentant à Allah subhanahu wa ta'ala, al-inaba, le fait de chercher l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-isti'ana, le fait de chercher le refuge et la protection en Allah subhanahu wa ta'ala, al-isti'aza, le fait de sacrifier et yani de faire des sacrifices et d'égorger pour Allah subhanahu wa ta'ala des animaux, hein, de faire des offrandes et ainsi de suite, ça c'est aussi qu'est-ce qu'on appelle al-dhabh. Et il y a aussi al-nadr. Al-nadr, c'est le fait de faire des vœux, hein, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et yani de demander, de s'imposer à soi-même un acte d'adoration quelconque, yani en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous exaucer pour une chose qu'on lui demande, comme par exemple la maladie ou des choses de ce genre. On veut avoir quelque chose dans cette dunya, on s'impose à soi-même un acte d'adoration quelconque en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous exaucer pour cette chose-là. Donc on dit par exemple je m'impose à moi-même de faire tel acte d'adoration, par exemple de jeûner pendant une semaine, si Allah subhanahu wa ta'ala me donne le succès dans telle ou telle affaire, hein. Et comme on va l'expliquer plus tard, inshallah, à ce sujet-là, c'est que al-nazru en soi, c'est pas quelque chose de bien à faire, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que c'était quelque chose qui n'était pas nécessairement quelque chose de bien. Toutefois, une fois qu'on l'a pris cet engagement-là envers Allah subhanahu wa ta'ala de s'imposer un acte d'adoration pour obtenir quelque chose de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, le fait de respecter cet engagement-là et de respecter ce vœu, eh bien, c'est ça qui est louable et c'est ça qui est une adoration par la suite. Et c'est pas le fait de prendre un vœu en soi-même. Et il y a beaucoup d'autres formes d'adoration aussi que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Le cheikh, il ne les a pas énumérées toutes. Il a seulement énuméré ou mentionné celles qui sont parmi elles les plus importantes, mais il y en a beaucoup d'autres encore. Le cheikh, le cheikh explique que toutes ces formes d'adoration-là, elles doivent être uniquement pour Allah seul. Elles sont toutes uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et il n'est pas permis à quelqu'un d'en offrir quoi que ce soit à autre que lui. Ensuite, le cheikh, il explique. Il dit قوله ومنه الدعاء أي من أنواع العبادة الدعاء بدأ به لأنه أعظم أنواع العبادة. الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو الثناء على الله عز وجل كما في أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هذا كله دعاء عبادة ها اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة فهذا دعاء مسألة ودعاء المسألة هو طلب شيء من الله عز وجل كطلب الهداية وطلب الرزق وطلب العلم من الله وطلب التوفيق. Donc le cheikh il explique que parmi les formes d'adoration il y a le dua, l'invocation, et le cheikh il a commencé par cette forme d'adoration là parce que c'est la plus grande de toutes les formes d'adoration. Et le dua, l'invocation, se divise en deux catégories. Le dua qui est un dua d'adoration et le dua qui est un dua de demande et de requête. Hein, le fait d'invoquer et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose. Donc des fois on invoque Allah subhanahu wa ta'ala uniquement pour le vénérer en mentionnant ses éloges et sa glorification. Et des fois on invoque Allah subhanahu wa ta'ala en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et des fois on peut avoir les deux ensemble, hein, on peut faire les deux ensemble. Et le cheikh il mentionne justement parmi les exemples Surat al-Fatiha, dans laquelle il y a au début de la surah un dua d'adoration dans lequel on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala et on fait ses éloges. Et il donne l'exemple quand on dit louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le maître du jour de la rétribution, c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Donc cette première partie de Surat al-Fatiha c'est du'a al-ibada parce qu'on évoque Allah subhanahu wa ta'ala en mentionnant sa glorification et ses éloges, hein. Et ensuite la suite de cette surah à partir de ce moment là c'est yani le du'a de demande. اهدنا الصراط المستقيم guide-nous sur le droit chemin صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc tout ça jusqu'à la fin de la sourate c'est une demande qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'invocation de demande, ça c'est le fait de demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit la guidance ou que ce soit la subsistance ou que ce soit la demande de la science, on demande à Allah la science, ou bien on demande à Allah subhanahu wa ta'ala le tawfiq, hein, le succès. Tout ça, c'est différentes formes de demandes qui sont parmi les formes de demandes qu'on peut faire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il mentionne la preuve de ça. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, pour chaque question, chaque sujet, il mentionne tout le temps des preuves. Il dit wa ad-dalil qawluhu ta'ala wa anna al-masajid lillahi fala tad'u ma'a Allah ahada. Donc ça c'est le verset 18 dans sourate al-Jin, qui est mentionné comme preuve, qui signifie et les mosquées sont à Allah, les mosquées, les lieux d'adoration sont pour Allah. Alors n'invoquez personne d'autre que lui avec lui. C'est-à-dire n'invoquez personne avec Allah subhanahu wa ta'ala, rien d'autre ou personne d'autre avec lui. Et ça c'est donc c'est le verset en question et le cheikh il l'explique. Premièrement, il dit al-masajid tutlaq wa yurad biha amakin as-sujud wal biqa' allati yusalla fiha wa hiya ahabb al-biqa' ila Allah azza wa jalla wa qad ja'a at-targhib fi bina'iha wa i'dadiha qala sallallahu alayhi wa sallam man bana masjidan lillahi كمفحص قطاه أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. Donc le cheikh il explique que le mot masajid dans le verset c'est le pluriel du mot masjid, hein, et qu'on l'utilise pour désigner un endroit, l'endroit dans lequel on se prosterne et l'endroit où dans lequel on prie et on adore Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est l'endroit le préféré, l'endroit le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'endroit que Allah subhanahu wa ta'ala préfère parmi tous les endroits pour les hommes. Et il y a mention dans plusieurs hadiths de du fait de du bienfait qu'il y a ou de l'incitation du fait de construire des mosquées et de les de les entretenir et ainsi de suite. Et il mentionne le verset ou plutôt le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Ahmad et Ibn Majah, Ibn Khuzaymah et d'autres également, selon Ibn Abbas et également selon Jabir ibn Abdullah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que celui qui fait construire une maison ou une mosquée plutôt pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va lui construire une maison dans le paradis. Hein? Et peu importe que cette mosquée soit petite ou grande, yani, il y aura cette récompense-là pour la personne qui construit une mosquée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh, il mentionne le verset 18 dans surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « يقول الله إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. » Donc, ceux qui peuplent les mosquées d'Allah sont uniquement ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Le cheikh explique, il dit, « والمراد بالعمارة العمارة الحسية والمعنوية عمارتها بالطين وما تحتاج إليه حتى تأوي المصلين وتظلهم من الحر وتمكنهم من وتكنهم من البرد وعمارتها بالعبادة بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. Donc, le fait de mentionner, dans, comme c'est écrit dans la traduction, de peupler les mosquées, et que c'est uniquement ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier qui le font, al-imara, le fait de peupler, yani, c'est, yani, traduit de cette manière, mais en réalité, ça veut dire beaucoup plus que ça. C'est les peupler concrètement et également, de façon abstraite aussi également, donc concrètement dans le sens de les construire et de les entretenir pour qu'elles soient aptes à protéger ceux qui viennent se recueillir à l'intérieur, hein, et se réfugier à l'intérieur, et pour qu'elles puissent également leur procurer une protection contre la chaleur par l'ombre, et également les protéger également contre le froid et le vent. Donc il faut qu'elles soient bien construites dans ce sens là et c'est de les peupler également, c'est à dire d'établir l'adoration dans ces mosquées là hein, d'établir la salat et la récitation du Coran et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est les choses que le cheikh a mentionnées. Donc c'est très important que ces mosquées-là soient remplies d'adoration, remplies de sunnah, remplies de tawhid, remplies de ilm, hein, et de la propagation du ilm. Et c'est pour ça que les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala sont établies, et non pas pour les remplir de bid'ah et d'égarements et de shirk, ou bien de différentes formes de contradictions à l'islam, comme on va le voir dans les exemples que le cheikh va mentionner lui-même. Il dit « Wa tutlaqu al-masajid wa yuradu biha a'da'u sujud as-sab'a wa hiya al-jabha wal-anf wal-yadan wal-rukbatan wa ru'us al-qadamain li'annaha tasjudu lillahi wal-ayatu tashtamilu al-ma'nayayn wa anna al-masajid lillah ay al-biqa' allati yusalla fiha wa a'da'u sujud » Lillahi Azza wa Jal. Donc le cheikh explique qu'on peut également utiliser le terme masajid pour désigner les différents membres du corps sur lesquels on se prosterne, qui sont les sept membres qui sont mentionnés dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple le nez et le front qui forment un, et il y a les deux mains, les deux genoux et les deux pieds, la pointe des orteils, hein, lorsqu'on se prosterne, c'est ces sept membres qui touchent au sol. Donc, on peut désigner on peut employer le terme masajid pour désigner ces sept membres sur lesquels on se prosterne. Et pourquoi? Parce que on se prosterne sur ces membres-là pour Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Donc, le verset comprend les deux significations. Wa anna al-masajid alillah, les mosquées sont pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les endroits dans lesquels on fait la salat, ou bien les membres sur lesquels on se prosterne, ils appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, alors فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, c'est-à-dire n'invoquez personne d'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. لَا تَجْعَلُوا هَذِهِ الْمَسَاجِدْ وَهَذِهِ الْبِقَاعِ مَحَلًا لِلشِّرْكِ وَدَعْوَةِ غَيْرِ اللَّهِ بَلْ يَجِبُ أَن تُطَهَّرَ الْمَسَاجِدْ مِنَ الشِّرْكِ فَلَا يَكُونُ فِيهَا قُبُورٌ وَلَا يَكُونُ فِيهَا دُعَاءٌ لِغَيْرِ اللَّهِ ولا يكون فيها بدع ومحدثات وحلقات صوفية مبتدعة. يجب أن تطهر المساجد من عن البدع والشرك والمعاصي لأنها لله عز وجل, فلا يكون فيها إلا ما يرضي الله عز وجل. فلا تدعو مع الله أحدا في هذه المساجد, أي أو تستخدموا أعضاءكم بالسجود لغير الله, لأن هذا الشرك أكبر, كالذي يسجد للصنم أو للقبر أو يسجد للوثن, فهذا يسجد لغير الله عز وجل. والشاهد في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا أمر بإخلاص الدعاء له وحده. Donc le cheikh il dit ensuite, donc n'invoquez personne avec lui, donc n'invoquez personne avec Allah subhanahu wa ta'ala ou rien avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ne faites pas de ces lieux d'adoration et de ces mosquées des endroits pour pratiquer le shirk ou pour invoquer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Il est obligatoire de purifier les mosquées et les lieux d'adoration de toute forme de shirk. Et il ne doit pas y avoir en ceci des tombes qui sont adorées, hein, ou invoquées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est le cas dans plusieurs mosquées dans les pays musulmans aujourd'hui. Lorsque tu vas dans certains pays musulmans, tu remarques qu'ils ont construit sur les mosquées des hommes, sur les tombes des hommes pieux, des mosquées. Hein? Et donc ça c'est quelque chose qui est interdit. Et qu'est-ce qui est grave aussi, que le cheikh il le mentionne parfois dans des durus, il dit que les gens parfois, ils ne vont que dans ces mosquées-là. Et les mosquées dans lesquelles il n'y a pas de tombe, ils n'ont pas d'intérêt pour ces mosquées-là, ils les délaissent, hein, ils les abandonnent. Donc c'est comme pour eux, ils ont comme l'idée que les mosquées dans lesquelles il y a une tombe, ce sont les mosquées qui ont une grande valeur. Et tandis que les autres mosquées dans lesquelles il n'y a pas de tombe, eh bien, ils ne leur donnent pas d'importance. Hein? Donc ça, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris la réalité du tawhid et la compréhension de l'islam. Donc, les ulama de l'islam ont expliqué que toute tombe dans laquelle il y a toute tombe sur laquelle on a construit une mosquée, il n'est pas permis, hein, de prier dans cette mosquée-là. Ou bien toute mosquée dans laquelle il y a une tombe, eh bien, il n'est pas permis de prier dans cette mosquée-là. Et celui qui prie dans cette mosquée dans laquelle il y a une tombe, sa prière n'est pas valable. Sa prière sera pas valable. Il doit refaire cette prière qu'il a faite dans cet endroit-là où il y avait une tombe. Hein? Donc ça, c'est le hukum à ce sujet. Et également, les ulama ont expliqué que s'il y a une mosquée qui a été construite sur une tombe, il est obligatoire de détruire cette mosquée complètement et de la raser. Tandis que si c'est la tombe qui a été introduite dans la mosquée, c'est-à-dire la mosquée était là en premier, puis qu'on a introduit la tombe à l'intérieur de cette mosquée par la suite, dans ce cas-là, il faut retirer cette tombe de cet endroit-là et la refaire à l'extérieur, c'est-à-dire ailleurs que dans la mosquée. Hein, parce que les mosquées sont des lieux d'adoration et non pas des lieux de shirk et des lieux pour enterrer les morts. Hein. Et la même chose pour, par exemple, quand on voit, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans les hadiths authentiques que la taj'alu buyutakum qubura. Il dit ne faites pas de vos maisons des tombes, comme des tombes ou des cimetières. Pourquoi? Parce que dans les cimetières, on n'a pas le droit de prier. C'est pas des lieux de prière. Hein? Et y a plein de preuves aussi à ce sujet-là. Donc c'est pas des lieux dans lesquels on fait des tombes ou dans lesquels on invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. et il est obligatoire donc de purifier les mosquées de toute forme de shirk. Hein, pour, et de, il ne doit pas y avoir dans ces tombes des, il ne doit pas y avoir dans ces mosquées des tombes ou bien des invocations faites à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne doit pas non plus y avoir des pratiques d'innovation ou de bid'ah et des inventions, des choses qui ne sont pas reliées au texte de la religion, et il ne doit pas non plus y avoir des exemples de bid'ah, des soufis, des cercles soufis comme ils font pour s'asseoir pour faire leur dhikr, soit avec de la musique ou avec des chants ou avec des mouvements ou avec des danses, des choses de ce genre. Tout ça c'est des innovations rejetées par l'islam, hein. Et aussi en même temps, en passant, c'est important de mentionner aussi que les lieux de prière, les lieux de mosquée, les lieux d'adoration, les mosquées, ce ne sont pas des lieux pour non plus inviter les représentants des différents partis politiques lors des élections et pour leur demander de parler aux gens de leur parti et de faire leur propagande dans les mosquées. Et en particulier, qu'est-ce qui se passe ici à Montréal, Allahu al-Musta'an, dans certaines mosquées, des gens de bid'a ou des ikhwan qui, après la khutba de Jumu'ah, invite des koufars parmi les politiciens pour faire leur discours après la khutba du mois, s'adresser aux croyants. Et même parfois ils invitent même des femmes koufars ils les laissent entrer même dans la salle des hommes pour s'adresser aux hommes et aux femmes. Donc ça c'est quelque chose qui est totalement rejeté, quelque chose qui est strictement interdit par l'islam, hein. Et les ulama de l'islam ont mentionné que les mosquées ne sont pas faites pour ça. Les mosquées sont faites pour le dhikr, pour l'adoration d'Allah, pour le ilm, pour propager le tawhid et la sunna et l'islam, et non pas pour propager la démocratie et les idées de kufr des kuffars et des choses de ce genre. Hein? Donc ça c'est très important. Malheureusement, beaucoup de gens ils font semblant comme si rien n'était. Hein? Ils suivent leur passion. Le Cheikh il dit يجب أن تطهر المساجد عن البقاع أو عن البدع عفوا يجب أن تطهر المساجد عن البدع. Donc il est obligatoire de purifier les mosquées de toute forme de bid'a ou shirk et al-ma'asi, et des formes de shirk et des formes de péché et de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que il ne faut pas qu'il y... parce qu'elles sont pour Allah seul, et il ne doit pas y avoir à l'intérieur de ces mosquées de choses qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, et des choses dont Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas satisfait. Et donc on ne doit pas invoquer personne d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans les mosquées. Et c'est pas seulement dans les mosquées, c'est peu importe à quel endroit. On n'a pas le droit d'invoquer Allah, on n'a pas le droit d'invoquer d'autre que Allah. Peu importe, que ce soit à la mosquée ou à l'extérieur de la mosquée. Mais dans la mosquée, c'est encore plus grave, puisque c'est des lieux d'adoration qui sont construits et bâtis uniquement pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si à l'intérieur de ces lieux-là, il y a du shirk, il y a de l'adoration d'autre que Allah, alors là, dans ce cas-là, c'est encore plus grave. Et il dit, de même que vous ne devez pas utiliser vos membres sur lesquels vous vous prosternez pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, en vous prosternant à autre que lui, parce que il n'y a pas de doute que ça c'est une forme de shirk majeur, comme celui par exemple qui se prosterne devant une tombe, ou bien qui se prosterne devant une idole, ou qui se prosterne devant un objet yani qui est adoré par les mushrikines, hein. La prosternation, elle doit uniquement être pour Allah seul. Et si quelqu'un se prosterne devant une créature, eh bien, ça c'est une forme de shirk. Le Cheikh il mentionne et dit la preuve de ça c'est dans le verset فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Donc, qu'est-ce qu'on veut prouver dans ce verset-là? C'est justement l'ordre de faire preuve d'ikhlas, de pureté, de sincérité dans notre dua, pour que notre dua soit uniquement pour Allah seul. Et il dit وَقَوْلُهُ أَحَدًا يَعُمُّ كُلُّ مَدْعُوٍ يَعُمُّ كُلَّ مَدْعُوٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ سَوَاءَ كَانَ مَلَكًا أَوْ نَبِيًّا أَوْ وَلِيًّا أَوْ شَجَرًا أَوْ حَجَرًا يَعُمُّ كُلَّ مَنْ دعي من دون الله عز وجل فإنه يكون شركا أكبر. Donc le cheikh il explique que quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset فلا تدع مع الله أحدا, eh bien أحدا, ça implique que c'est général, dans le sens que c'est n'invoquer rien. Rien c'est général, c'est-à-dire n'importe, peu importe la chose. Ahadan, hein? C'est-à-dire rien ou personne. N'invoquer rien ou personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute chose qui est invoquée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe que ce soit un ange ou un prophète ou un saint ou un arbre ou une pierre ou toute autre chose, si elle est invoquée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça c'est une forme de shirk majeur, hein, qui fait que quelqu'un sort de la religion musulmane et devient un mushrik, un kafir, hein. Donc c'est très grave. Ensuite, le cheikh il explique, ensuite il dit l'autre preuve qu'il mentionne, il dit فَمَنْ صَرَفَ شَيْئًا, parce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il continue à expliquer et à mentionner des preuves pour l'adoration et le dua en particulier. Il dit فَمَنْ صَرَفَ شَيْئًا مِنْهَا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Donc le cheikh il explique, donc il mentionne ce passage qui signifie, et quiconque offre à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque de ces adorations là, alors c'est un mushrik et un kafir. Et la preuve de ça, c'est le verset 117 dans Surat al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque invoque avec Allah subhanahu wa ta'ala une autre divinité au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve, au sujet de laquelle ou pour laquelle il n'y a aucune preuve, alors son jugement n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et il ne donne pas le succès aux kafiroun. Donc le fait qu'il mentionne à la fin qu'il ne donne pas le succès aux kafiroun, aux mécréants, eh bien c'est la preuve que quiconque invoque autre que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il fait partie des kafiroun, il fait partie des mécréants. Et ensuite il mentionne comme preuve également un hadith qui dit ad-du'a umukhul ibada. C'est un hadith rapporté par Tirmidhi selon Anas ibn Malik. Toutefois, dans la chaîne de transmission de ce hadith, il y a Ibn Luhay'a. Et Ibn Luhay'a, il est daïf. C'est un narrateur qui est daïf. Malgré que c'était un des grands savants de l'islam, hein, c'était un des grands savants de l'islam et un des imams à son époque, mais là, il lui est arrivé quelque chose qui fait que les ulamas ne prenaient plus ces hadiths. C'est que, en fait, ils se basaient sur ses livres, hein, pour rapporter les hadiths. Puis, il y a eu un feu chez lui. Donc, il y a eu un feu dans sa maison, et ce qui a fait que ses livres ont brûlé. Ses livres ont brûlé. Donc, par la suite, il essayait de rapporter ses hadiths à partir de sa mémoire, mais étant donné qu'il n'avait pas une mémoire qui était forte, eh bien, il faisait souvent des erreurs. Donc, les ulamas ont cessé de rapporter ces hadiths, ont considéré ces hadiths comme étant faibles par la suite. Donc ça c'est Ibn Luhay'a. Et donc ce hadith, qu'est-ce qu'il dit? Al-du'a umukhul ibada, ça signifie que le du'a c'est le centre de l'adoration. Al-mukh c'est qu'est-ce qui est à l'intérieur de quelque chose, et c'est comme par exemple on dit que par exemple le cerveau en arabe on l'appelle souvent al-mukh, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on dit ici que le du'a c'est le centre de l'adoration. Et il y a un autre hadith qui est authentique qui a le même sens que celui-là à peu près, qui dit que ad-du'a huwa al-ibada, c'est-à-dire le du'a, l'invocation, c'est l'adoration. c'est pour montrer l'importance, comme on va le dire plus tard, on va expliquer que c'est pour montrer l'importance de l'adoration. Ensuite, le cheikh, il mentionne un autre dalil qui dit, c'est le verset 60 dans surat Ghafir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vais vous répondre. Ceux qui s'enflent d'orgueil de m'adorer, ils entreront dans l'enfer humiliés. Ceux qui s'enflent d'orgueil et qui refusent de m'adorer par orgueil, qui refusent mon adoration par orgueil, alors ils entreront dans l'enfer humiliés. Le cheikh il dit, donc il explique ce passage, il dit, وَقَالَ رَبُّكُمْ أَيْ أَمَرَ رَبُّكُمْ وَقَالَ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ أَمَرَ بِدُعَائِهِ سُبْحَانَهُ وَوَعَدَ بِالِاسْتِجَابَةِ وهذا من كرمه سبحانه وتعالى لأنه غني عن دعائنا ولكننا محتاجون لدعائه سبحانه وتعالى فهو يأمرنا بما نحتاج إليه وبما يصلحنا وهو سبحانه يغضب إذا تركنا سؤاله بينما المخلوق يغضب إذا سألته يغضب إذا سألته ولهذا يقول الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب ويقول آخر فلو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit et votre Seigneur Votre Seigneur, c'est-à-dire, il vous a ordonné, votre Seigneur vous a ordonné de m'invoquer, de l'invoquer. Il dit, invoquez-moi. Il vous ordonne de l'invoquer et il dit, invoquez-moi, je vais vous répondre. Il ordonne les gens de l'invoquer, de lui faire des du'as. Et il a promis à ceux qui l'invoquent de leur répondre. Et ça, c'est pour montrer la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala et du fait qu'il est rani, il est riche et qu'il n'a pas besoin de nos invocations, il se suffit à lui-même. Donc qui a besoin de l'invocation? Qui a besoin de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est nous, c'est les êtres humains, nous avons besoin de l'invoquer. Donc il nous ordonne de faire ce qui est pour notre bien à nous. Subhanallah. Donc, s'il nous ordonne de l'invoquer, c'est pour notre bien à nous. Et pour que ça nous amène un bienfait pour nous-mêmes, et non pas pour lui. Il n'a pas besoin de nos invocations. Il n'a pas besoin de nos prières. Il n'a pas besoin de notre obéissance. Il n'a pas besoin de rien, de ses créatures ou de quoi que ce soit. Il se suffit à lui-même. Mais s'il nous ordonne de faire ces choses-là, c'est pour notre bien à nous, et c'est pour nous-mêmes. Donc il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il se fâche lorsqu'on abandonne son invocation et qu'on ne lui demande pas, tandis que les créatures c'est le contraire, les créatures se fâchent lorsqu'on leur demande quelque chose et des fois il y a des gens parfois, comme c'est le cheikh il expliquait une fois dans un autre cours, il mentionnait qu'il y a des gens, ils sont gênés on dirait qu'ils ont peur de demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose. Comme si que, ils sont gênés de demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose de trop grand. Comme si en voulant dire que s'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose de trop grand, c'est exagéré. Ou bien, dans le sens que, comme on est gêné de demander trop à un être humain quelque chose, par exemple, quand il peut nous donner quelque chose, on lui demande par exemple de nous donner un peu d'argent ou quelque chose, et bien si on lui demande, on va lui demander un peu, on est gêné de lui demander trop. Donc il y en a des gens, ils agissent comme ça avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme si c'était trop demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut comprendre, il faut savoir que il n'y a rien qui est trop grand pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala il est riche et qu'il aime qu'on lui demande, et quand on lui demande pas, il se fâche, et il n'aime pas qu'on ne lui demande pas. Et il ne faut pas agir avec Allah subhanahu wa ta'ala comme on agit avec les créatures. Parce que les créatures, quand tu leur demandes, ils se fâchent. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand tu ne lui demandes pas qu'il se fâche. Comme c'est mentionné dans les paroles des poètes. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit le shaykh? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit, فالناس ثلاثة أقسام. أنا يقول آخر فلو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا فالناس أقسام ثلاثة الأول ما يدعو الله أصلا من لا يدعو الله أصلا فيكون مستكبرا عن عبادة الله. Donc le cheikh dit les hommes sont de trois catégories. Le premier, celui qui invoque pas du tout Allah, n'invoque pas Allah. Ça, il y en a plein comme ça, des kuffars. Ils invoquent pas Allah du tout, ils adorent pas Allah du tout, ils adorent rien du tout. Ils adorent pas Allah, ils adorent pas autre que Allah, ils adorent rien. Mais celui qui adore pas Allah du tout à la base, mais celui-là c'est un mustakbir, un ibadatillah. C'est quelqu'un qui est arrogant, orgueilleux. Il s'enfle d'orgueil. Il veut pas adorer Allah, il veut pas se soumettre à Allah, il veut pas s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est fier, il est orgueilleux. Hein? Donc ça c'est pas un croyant. La deuxième, al-mustakbir, c'est-à-dire celui qui est arrogant, orgueilleux. Ok? Il y a la deuxième catégorie, man yad'u Allah, walakin yad'u ma'ahu ghayrahu, فيكون مشركا. Donc celui, la deuxième catégorie, c'est celui qui invoque Allah, mais il n'invoque pas Allah seul, il invoque d'autres avec Allah en même temps. Celui-là, c'est un mushrik. C'est un associateur, un idolâtre. Parce qu'il invoque Allah, puis il invoque d'autres avec Allah en même temps. Et le troisième, الثالث, من يدعو الله مخلصا له الدعاء فهذا هو الموحد. Le troisième, c'est celui qui invoque Allah et qui est sincère dans son invocation, qui invoque uniquement Allah, qui est pur, hein, qui invoque Allah avec pureté dans son invocation. Alors lui, c'est le muwahhid, celui qui établit le tawhid et qui croit réellement au tawhid. Ensuite, le cheikh, il dit, al-muwahhid, celui qui établit le tawhid, celui qui est vraiment sur l'unicité d'Allah et qui croit vraiment en l'unicité d'Allah. Le cheikh dit ensuite, في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة وفي رواية الدعاء هو العبادة فهذا يدل على عظيم الدعاء وأنه أعظم أنواع العبادة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مخ العبادة وفي رواية الدعاء هو العبادة والرواية الثانية الصح من رواية الدعاء مخ العبادة والمعنى واحد. Donc le cheikh il dit, et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, le dua c'est le centre de l'adoration, et dans une autre narration, le dua c'est l'adoration. Ça nous montre l'importance et la grandeur de l'invocation dans l'islam. Et que c'est une des plus grandes formes d'adoration. Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le centre de l'adoration, et dans une autre narration, que c'est l'adoration elle-même. C'est-à-dire l'adoration, c'est le dua. Hein? Et la deuxième, cette deuxième narration-là, elle est plus authentique. C'est celle-là qui est authentique. L'autre, elle n'est pas authentique. Hein? Mais les deux ont la même signification en réalité. Ensuite, le cheikh il dit, fal hadithu bi riwayatayhi yubayyinu 'izama ad-du'a wa annahu huwa an-naw'u al-a'zamu min anwa'i al-'ibadah kama qala sallallahu alayhi wa sallam al-hajj 'arafah bima'na anna al-wuquf bi 'arafah في الحج هو الركن الأعظم من أركان الحج وليس معناه أن الحج كله هو عرفة ولكن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج كذلك ليست العبادة محصورة في الدعاء ولكن الدعاء هو أعظم أنواعها ولهذا قال الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة من باب تعظيم الدعاء وبيان مكانته. Donc le cheikh il explique que donc les deux hadiths, le hadith avec ces deux narrations qu'on a mentionnées, il nous explique l'importance du dua. L'importance du dua. Et que c'est la plus grande de toutes les formes d'adoration. La plus grande de toutes les formes d'adoration. Comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-Hajj Arafah. C'est-à-dire que ton Hajj, c'est en réalité Arafah, de te tenir sur Arafah. Si tu fais pas ça, t'as pas fait ton Hajj. Le cheikh il explique que c'est le pilier le plus important du Hajj. Donc celui qui veut faire le Hajj, s'il se tient pas sur Arafah, il n'a pas fait le Hajj. Ça veut pas dire que de faire le Arafah tout seul ça suffit, que si tu fais Arafah, si tu te tiens à Arafah, ça veut dire que t'as pas besoin de faire le reste. Ça ne veut pas dire ça, sauf que ça veut dire que si tu ne fais pas Arafah, ton Hajj ne sera pas valide. Donc c'est un des plus importants parmi tous les piliers du Hajj. C'est ça que ça veut dire. Donc quand on dit que le dua, c'est al-ibada, ça ne veut pas dire que c'est uniquement le dua qui est l'adoration, et qu'il n'y a pas d'autre adoration en dehors. Non, ça veut dire que c'est une des plus importantes formes d'invocation. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le dua c'est l'adoration, hein, dans le sens pour faire comprendre l'importance du dua, et pour faire comprendre le statut élevé du dua dans la religion. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أدلة أنواع العبادة التي ذكرها وهي الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله كلها لله. فقال رحمه الله يعني الخوف. Donc le cheikh explique que ensuite le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah il a mentionné les preuves des différentes formes d'adoration. Il a énuméré une série d'adorations qu'on a mentionnées tout à l'heure, comme la crainte, l'espoir, le fait de mettre sa confiance en Allah, d'aimer Allah, de craindre Allah, d'avoir l'humilité, d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se repentir, de chercher l'aide, de chercher le refuge en Allah, de sacrifier et d'égorger pour Allah, de faire des vœux. Toutes ces formes d'adoration-là sont uniquement pour Allah. Et il explique une des premières d'entre elles, c'est Al-Khawf. C'est-à-dire, une d'entre les formes d'adoration, il y a parmi ces formes-là Al-Khawf, la crainte ou la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit Dalil Al-Khawf, qawluhu ta'ala, innama dhalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya'ah. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Le cheikh il dit donc la preuve que la crainte c'est une adoration dans l'islam et qu'on doit uniquement craindre Allah seulement et pas craindre d'autre que lui, c'est le verset 175 dans sourate Al-Imran. Quand le cheikh il mentionne un dalil, une preuve par rapport à une adoration, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autre preuve que ça. Mais c'est juste pour limiter le texte. Sinon, il y a beaucoup d'autres preuves que cette preuve-là. Et c'est une des preuves. Donc, la preuve de la crainte, c'est le verset. Une des preuves, c'est ce verset-là, 175, dans Surat Al-Imran, qui signifie c'est uniquement le shaitan qui cherche à vous faire peur par ses alliés. Alors, ne les craignez pas, mais craignez-moi si vous êtes réellement croyants. Le cheikh il explique ça, cette catégorie d'adoration là. Il dit الخوف نوع من أنواع العبادة وهو عبادة قلبية وكذلك الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والتوكل كل هذه عبادات قلبية. Donc le cheikh explique que la crainte c'est une d'entre les formes d'adoration, et c'est une adoration du cœur. C'est une adoration du cœur. C'est-à-dire que cette adoration-là, elle se manifeste dans le cœur. Bien entendu, elle aura des implications et des influences sur le corps aussi, et sur nos actions et sur nos paroles, parce que lorsqu'on craint Allah, ça nous incite à faire ce qu'il nous ordonne et à nous écarter de ce qu'il nous interdit, hein, et à faire le bien et à s'écarter du mal. Mais à la base, elle est dans le cœur, cette adoration-là, d'accord? Donc, al-khawf, c'est une des formes d'adoration du cœur, comme également al-khashya et al-rahba et al-rahba et al-raja, l'espoir, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou aspirer en Allah subhanahu wa ta'ala, de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça sont des adorations du cœur. والخوف هو توقع المكروه. La crainte, c'est quoi? C'est de, يعني, d'avoir, disons, de التوقع, يعني, comment on pourrait dire, le fait de, يعني, d'avoir le peut-être la présomption que quelque chose de mal peut nous arriver, hein? Non, al-khawf tawaqqu' al-makruh, c'est-à-dire tu, yani, pas tu crains, mais tu penses que quelque chose de mal va t'arriver. C'est ça, avoir peur. Hein? C'est tu présumes que quelque chose de mal va t'arriver, va venir sur toi. Lorsque tu as peur de quelque chose, c'est ça qui t'arrive, c'est ça qui se passe en toi-même. Et T'as peur d'un danger, en fait. Tu crées un danger quelconque. Et ça, c'est de deux catégories. Il y a deux catégories de crainte. Le crainte, qui est une crainte d'adoration, khawfu ibada, hein, wa huwa naw'an, khawfu al-ibada, wa khawfu al-tabi'i, al-khawfu al-tabi'i. C'est la crainte qui est une crainte d'adoration, puis la crainte qui est une crainte naturelle. Il faut faire la différence entre ces deux craintes-là. Parce que si tu fais pas de distinction entre ces deux craintes-là, tu vas mélanger qu'est-ce qui est shirk et qu'est-ce qui est pas shirk. Et tu risques que... Khawf ibad, c'est une crainte d'adoration. On va donner des exemples. Le cheikh dit, al-naw' al-awwal, khawf al-ibada, wa huwa sarfuhu li ghayrillah. Hein? فهذا صرفه لغير الله الشرك وذلك بأن يخاف غير الله أن يخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كأن يخاف أحدا أن يمرضه أو أن يقبض روحه أو يميت ولده أو يميت ولده. Donc le cheikh il dit que la première catégorie c'est la crainte d'adoration, et ça c'est comme par exemple le fait de l'offrir à autre qu'Allah, ça c'est une forme de shirk. Comme par exemple, lorsque tu as peur de quelque chose, que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de le faire, mais tu crains que quelqu'un d'autre le fasse. Quelque chose que seulement Allah a le pouvoir de le faire, tu le crains de la part de quelqu'un d'autre. Ça c'est shirk. Et le shirk il donne des exemples. Comme par exemple, tu as peur que quelqu'un te rende malade. Hein? Tu crains que quelqu'un te rende malade ou qu'il ait la capacité de te rendre malade. Hein? On parle pas de que quelqu'un te. Tu crains que quelqu'un qui est malade. Tu crains que quelqu'un te rende malade. Qu'il décide par son pouvoir qu'il est capable de te rendre malade. Ça c'est grave. Hein? Ça c'est une forme de crainte qui rentre dans le shirk. Tu crains que quelqu'un prenne ton âme. C'est Allah seul qui peut prendre ton âme. Donc tu ne dois pas craindre que quelqu'un prenne ton âme. Ou bien tu crains que quelqu'un fasse mourir ton enfant. Hein, ou ton bébé ou quelque chose comme ça. Et le cheikh dit « كَمَا يَفْعَلُ كَثِيرٌ مِنَ الْجُهَالِ يَخَافُونَ عَلَى حَمْلِ زَوْجَاتِهِمْ وَعَلَى أَوْلَادِهِمْ مِنَ الْجِنِ يَخَافُونَ مِنَ السَّحَرَةِ أَوْ مِنَ الْمَوْتَى ويعملون أعمالا شركية لأجل أن يتخلصوا من هذا الخوف فهذا لا يقدر عليه إلا الله الأمراض والموت والرزق وقطع الأجل هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. Donc le cheikh il dit, il y a beaucoup d'ignorants malheureusement qui font ce genre de choses là. Ils craignent par exemple pour le, par exemple, leur femme, si elle est enceinte, ils craignent pour leur, leur bébé dans le ventre de leur femme, contre les djinns. Ils ont peur que les djinns vont faire du mal au bébé. Ou bien ils craignent que les sorciers peuvent lui faire du mal. Ou bien ils craignent les morts. Ou bien ils craignent des choses de ce genre. Donc, ils vont faire des actes de shirk pour essayer de se débarrasser de cette peur et de cette crainte. Hein? Ils vont avoir recours à un sorcier ou à un kahin, hein? Des choses comme ça. Ils vont faire des actes de shirk pour se débarrasser de cette crainte. Mais ça, toutes ces choses-là, c'est des choses que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a le pouvoir de le faire. Comme par exemple de la maladie, la mort, le risque de faire stopper la vie de quelqu'un. Tout ça, c'est des choses, personne il a la capacité de faire ça, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas avoir peur de ces choses-là. وكذلك إنزال البركة أو غير ذلك هذه أمور لا تكون إلا من الله عز وجل فإذا خاف أحدا في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. Il dit de même que faire descendre la bénédiction, hein, ou bien d'autres choses de ce genre. Toutes ces choses-là, que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de les faire, si tu crains quelqu'un, hein, qui n'a pas la capacité de le faire, hein, tu crains ces personnes-là dans ces par rapport à ces choses, eh bien ça, c'est une forme de shirk majeur. Parce que tu as offert à autre que à Allah une forme parmi les formes d'adoration. Donc, quelque chose que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a la capacité de le faire, si tu le crains là-dedans, ça c'est une forme de shirk majeur. Le shaykh il dit qu'alladina yakhafuna min al-qubur wa min al-adriha wa min al-jinn wa min al-shayatin an tamassahum bisu aw tanzil bihim dararan fayadhhabuna yataqarrabuna ila hadhihi al-ashya lidaf'i darariha aw khawfan minha hadha shirkun akbar. Le cheikh il dit, c'est comme ceux qui craignent, qui ont peur des tombes. Ils ont peur des tombeaux. Ils ont peur des djinns. Ils ont peur des shayatins. Ils ont peur qu'ils se fassent toucher par un mal, par ces choses-là. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a le pouvoir sur ces choses-là. Ce n'est pas les djinns, ce n'est pas les shayatins, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les. Hein, c'est pas les diables, ainsi de suite. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne dois pas avoir peur de ces choses-là, d'accord? Parce que d'avoir peur de ces choses-là, ça c'est des formes de shirk majeur. Hein? Ou bien t'as peur qu'il te fasse tomber quelque chose de mal sur toi. Alors, à cause de cette peur, ils vont essayer d'aller faire des actes pour les apaiser ou bien pour se rapprocher d'eux, pour repousser ce mal d'eux. Hein? Donc dans ce cas-là, ça devient une forme de shirk majeur dans ce cas-là. Parce que tu leur offres des actes d'adoration. Comme par exemple ceux qui ont peur des djinns et des diables, ils vont leur faire des sacrifices pour se protéger contre eux. Hein? Ça c'est du shirk. Hein? C'est des exemples. Ensuite le shaykh il dit « وَيَقُولُ أَخَافُ إِنْ لَمْ أَذْبَحْ لَهُ أن يصيبني أو يصيب أولادي أو مالي أو ما أشبه ذلك كما قال قوم هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء يهددونه بآلهتهم ويخوفونه بآلهتهم قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم توكلت على الله ربي وربكم. هذا هو التوحيد. تحداهم كلهم هم وآلهتهم. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il explique. Il dit, il y en a déjà, ils disent, j'ai peur que cette personne, elle me fasse un mal, ou que ce djinn, il me fasse un mal, ou que ce shaitan, il me fasse un mal, et qu'il affecte mon enfant, et qu'il fasse du mal à mes biens, ou à mon enfant, ou des choses de ce genre, alors il va, il égorge un animal pour apaiser le djinn, ou apaiser le shaitan, ou il va, par exemple, offrir quelque chose à ce sorcier pour le satisfaire, hein, ou des choses comme ça. Donc, il va faire du shirk, hein, des choses comme ça. Donc ça, c'est des exemples de choses qui sont, hein, des formes de shirk majeur. Et le shirk, il donne des exemples, il dit, regardez le peuple de Houd, quand ils sont allés voir leurs prophètes, ils leur ont dit, c'est nos idoles qui t'ont frappé par un mal, hein. Ils ont dit, c'est nos idoles qui t'ont frappé par un mal. Ils essayaient de lui faire peur par leurs idoles, hein. En voulant dire, si tu parles contre nos idoles, tu dis aux gens de ne pas les adorer, il y a un mal qui va te frapper. Il y a quelque chose qui va t'arriver, un malheur. Pour faire peur aux gens, ils disent ça. Et il y en a aujourd'hui des gens parmi les gens de Bid'ah, parmi les gens qui adorent les tombes et tout, ils font la même chose. Ils disent, ah, si tu parles contre le wali, si tu parles contre le cheikh, tu vas voir qu'est-ce qui va t'arriver. Il y a un malheur qui va te tomber sur toi, qui va tomber sur toi quand tu vas parler contre lui, ou contre le cheikh, ou contre la tombe, ou des choses comme ça. Ils font la même chose que les mouchriquines faisaient avec les prophètes, hein. Et, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne la réponse de Hud à son peuple. Il dit, je prends Allah subhanahu wa ta'ala comme témoin, et soyez vous-même témoins que je me désavoue et que je suis innocent de ce que vous associez en dehors d'Allah. Alors, mettez-vous tous ensemble pour ruser contre moi et n'attendez pas. Je mets ma confiance en Allah, mon Seigneur, et le vôtre. Et ça, c'est le tawhid. Il les a tous mis au défi d'essayer de ruser contre lui. Hein? Et il a mis sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a tous mis au défi, eux ainsi que leurs idoles. Faut dire, j'ai pas peur. Essayez tout ce que vous voulez contre moi. Vous ainsi que vos idoles. Mettez-vous tous ensemble pour essayer de me faire du mal. Et vous allez rien pouvoir me faire de quoi que ce soit de mal, excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça que le croyant, il doit être. Il doit être confiant en Allah, il doit avoir peur de personne autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْزِرُونَ فَلَا تُمْهِلُونِ لَا تُمْهِلُونِ بَلْ مِنَ الْآنِ فَكِيدُونِ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ بِشَيْءٍ بل نصره الله عليهم فالذي يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا يكون قد أشرك الشرك الأكبر وهذا يسمى شرك العبادة. الشيخ الذي il leur a dit, donc Houd leur a dit, alors rusez tous contre moi et n'attendez pas, ne me donnez aucun répit, allez-y tout de suite. Maintenant, rusez contre moi, faites vos complots, faites vos ruses, essayez de me faire du mal, mettez-vous tous là-dessus, vous ainsi que vos idoles. Et ils n'ont rien été capables, ils n'ont pas été capables de rien lui faire de mal. Et au contraire, même c'est Allah qui lui a donné la victoire sur eux. Hein? Et il y en a des ulama qui ont dit que ça c'est un des plus grands exemples, hein, des paroles des prophètes. Hein, qui montre la force, hein, de ce prophète et comment il mettait sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui a peur d'autre que Allah dans ce que seul Allah est capable de faire, alors il a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ça s'appelle la crainte dans l'adoration. Le cheikh il dit ensuite, wa khawfu ash-shirk kathirun fi an-nas yakhafuna min al-qubur aw min al-awliya yakhafuna min ash-shaytan yakhafuna min al-jinn فهذا يقومون بتقديم القربات لهم ولذلك يقومون بتقديم القربات لهم ويقدمون لهم الذبائح والنذور والأطعمة وغير ذلك كإلقاء النقود على أضرحتهم من أجل أن يسلموا من شرهم أو ينالوا من خيرهم فهذا هو خوف العبادة. الشيخ الزي et la crainte du shirk, il y en a beaucoup parmi les la crainte qui est une crainte de shirk, une forme de, c'est-à-dire tu crains les gens d'une crainte qui rentre dans le shirk. Cette crainte-là, elle est très répandue chez les gens. Ils craignent des, ils ont peur des tombes, ils ont peur des awliya, ils ont peur des diables, ils ont peur des djinns. Et pour se protéger contre ces choses-là, ils offrent des offrandes. Et ils offrent des sacrifices. Et ils font des vœux. Et ils offrent de la nourriture. Et il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont même jeter des pièces d'argent ou bien de l'argent là où il y a la tombe, le tombeau de ces saints-là, soi-disant. Hein? Et ils les jettent donc à ces endroits-là pour être protégés contre leur mal, ou bien ils croient que ça peut leur ramener un bien. Tout ça, ça rentre dans le shirk, dans l'adoration. Et non, ils font beaucoup d'argent avec ça. Et il y a aussi Cheikh Mohamed Aman al-Jami, il mentionne aussi dans son livre de Sharh al-Usul al-Salata qu'il y a aussi parmi les choses qui rentrent dans cette catégorie de shirk, dans la crainte, le fait de craindre les shuyukh soufiyah, les shuyukh des turuq soufiyah. Oui, c'est la même chose. Mais il y en a qui les craignent après qu'ils soient morts, et il y en a qui les craignent même quand ils sont vivants. C'est-à-dire qu'ils pensent que le shaykh, il a le pouvoir de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de ses fidèles. Il sait qu'est-ce que son mourid pense de lui. Et donc, ils ont peur, les soufis, ils ont peur de leurs chouyours, même s'ils sont à des distances. Et ils disent, si le cheikh, il voit dans mon cœur que je pense quelque chose de mal sur lui, ou que j'ai un doute en lui, ou quelque chose comme ça, ils ont peur que le cheikh leur enlève leur foi. Ils disent que le cheikh, il a la capacité de te retirer ta foi, comme ça, à volonté. Et il peut donner la foi à quelqu'un juste par un regard. Il regarde quelqu'un, ça y est, il devient croyant. Et là, non seulement il devient croyant, il devient même un wali. Il donne la walaya à qui il veut. Il donne la walaya à qui il veut. Subhanallah. Et je vous ai raconté plusieurs fois l'exemple du chien, là. Hein? L'eau. C'est-à-dire que un de ces soufis, hein, un de ces, dans les livres des soufis, il mentionne cette histoire qu'un cheikh soufi, il a regardé un chien et il est devenu, ce chien, il est devenu un wali pour les autres chiens. Oui, c'est écrit dans le livre des soufis. Il l'a regardé d'un regard, il est devenu un wali, le chien, soi-disant. Et quand il est mort, les chiens sont allés pour, ils allaient pour et aller se recueillir à sa tombe. Ça, c'est dans les livres des soufis. Ça fait partie des histoires que tu trouves dans les livres des soufis. Hein? Sans preuve, bien entendu, mais bon. Oui, il y a des sens soufis. Il y en a plusieurs. Plusieurs turuqs. Il y a les qadiriyya, il y a les naqshbandiyya, il y a les aussi plein d'autres encore, que je ne connais pas toujours les noms, mais il y en a plein. Une fois, j'ai rencontré justement un gars dans l'autobus. Il me dit, ouais, je m'en vais au centre soufi. Il y en a plusieurs. Mais c'est-à-dire qu'ils font leur bid'a entre eux dans leur centre. Ils vont pas les faire ils vont pas venir, par exemple, ici dans la mosquée pour commencer à faire ça, ou bien aller dans une autre mosquée pour faire ça devant les gens. Parce que ils savent très bien que ces choses-là sont pas, que les gens, s'ils les font devant les gens vont pas accepter ça. Les gens ne sont pas quand même bêtes à ce point-là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'Einstein? Maintenant, ils se filment quand ils font leur bid'a dans leur mosquée. Ils se filment, puis ils mettent ça sur YouTube après. Donc maintenant, même si t'es pas allé là-bas, tu l'as pas vu, mais ils l'ont mis là-bas pour que tout le monde soit témoin. C'est-à-dire là, maintenant, tout le monde sait qu'est-ce qu'ils font dans leur mosquée comme bid'a et comme égarement. Et puis tout le monde peut savoir que ces choses-là sont contraires à l'islam. Il y a les témoignages de ça. Ensuite, Donc, le cheikh Mohamed Amal, comme je disais, il a mentionné cet exemple-là, et il dit que ça fait partie de khawf, al-khawf al-shirk, yani, khawf al-shirki. Et il l'a appelé aussi khawf al-sir. Khawf al-sir, c'est-à-dire la peur mystique ou la peur secrète. Il dit que ça fait partie du shirk akbar aussi. Ok? Et na'am. Donc, et ensuite il dit, النوع الثاني الخوف الطبيعي وهو أي أن تخاف من شيء ظاهر يقدر على ما أن تخاف من شيء ظاهر يقدر على ما تخاف منه على ما تخافه منه كأن تخاف من الحية أو العقرب أو من العدو هذه أمور ظاهرة ومعروفة فالخوف منها لا يسمى شركا هذا خوف طبيعي من شيء ظاهر معروف لأنك تخاف من سبب ظاهر ومطلوب الوقاية منه والحذر منه تأخذ السلاح تأخذ العصا لتقتل الحية والعقرب وقتل السبع لأن هذه أمور محسوسة وفيها ضرر معلوم فإذا خفت منها فهذا لا يسمى شركا بل يسمى خوفا طبيعيا. Donc le cheikh il explique, il dit que la deuxième catégorie de crainte c'est la crainte naturelle, que tu crains de quelque chose qui est apparent et dont le mal dont tu crains à propos de cette chose là eh bien c'est quelque chose qui est réel et qui a une capacité réelle de faire un tort. Comme par exemple le fait de craindre un serpent ou un scorpion ou de craindre un ennemi, ça c'est des choses apparentes, ils sont connus, et le fait de craindre ces choses-là, on l'appelle pas shirk. Ça s'appelle comment en arabe? Al-khawf al-tabi'i. Tabi'i ça veut dire naturel. Donc, هذا شرك طبيعي من شيء ظاهر معروف. C'est la crainte naturelle d'une chose qui est apparente et qui est connue. Donc, pourquoi? Parce que tu crains quelque chose dont, qui est une cause apparente dont tu dois chercher à te protéger. C'est naturel. C'est normal que tu cherches à t'en protéger et que tu cherches à l'éviter, à y prendre garde. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, contre ces choses-là, comme par exemple une bête sauvage, un lion, ou bien un scorpion, ou un serpent, ou bien un chien enragé, hein, un animal féroce, ou même un bandit ou un voleur qui vient pour t'attaquer, tu prends un bâton, tu prends une arme, tu prends quelque chose pour te protéger contre ça. Hein? Ou bien, yani, un serpent, tu vas le tuer avec un bâton ou avec quelque chose comme ça. Ça, c'est des choses palpables qui sont réelles, dont le mal est connu. Donc, si tu crains ces choses-là, ça, on n'appelle pas ça shirk. On ne dit pas que c'est du shirk. Hein? On ne dit pas que c'est du shirk. On appelle ça une crainte naturelle. ولهذا قال الله في موسى عليه السلام فخرج منها خائفا أي من البلد خائفا يترقب خائفا من أعدائه لأنه قتل منهم نفسا وهرب عليه السلام عليه الصلاة والسلام إلى مدين وكان يترقب يعني يخشى أن يلحقوه فهذا خوف طبيعي ولكن تعلم الإنسان ولكن تعلم الإنسان أن يعتصم بالله عز وجل ويأخذ بالأسباب التي تدفع عنه الضرر ويعتمد على الله عز وجل ويتوكل على الله قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين هذه الآية في سورة آل عمران في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين يوم أحد لما توعدهم المشركون وقالوا نرجع إليهم ونستأصلهم فالله عز وجل يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين أي هذا التهديد وهذا الوعيد إنما هو من الشيطان أي يخوفكم أولياءه أو يخوف من انقاد له من الناس وخاف منه فإنه يتسلط عليهم. Donc le cheikh il explique donc que le prophète Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son sujet dans Surat al-Qasas, le verset 21, qu'il est sorti de la ville et qu'il avait peur. Il est sorti avec crainte du pays et il surveillait autour de lui en sortant. Pourquoi? Parce qu'il avait tué quelqu'un. Il a frappé quelqu'un, il a tué. En voulant défendre quelqu'un d'autre, il a frappé quelqu'un, puis par accident, l'autre il est mort. Donc, il a eu peur à cause de ça, il s'est enfui. Il s'est enfui vers Madian. Hein? Il craignait qu'un mal lui arrive. Et ça, c'est une crainte naturelle. Hein? Donc, l'homme, il doit apprendre à chercher la protection d'Allah et à prendre les causes pour se protéger contre un mal quelconque. Et il met sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et il repose sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça, ça fait partie de la foi. Donc ça, cette forme de crainte là, c'est une forme de crainte qui est naturelle. C'est pas comme la crainte du shirk. Hein? La crainte du shirk, on l'a dit, c'est quand tu crains de quelque chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité de le faire. Tu crains une créature qui n'a pas la capacité de le faire, qu'elle t'atteigne d'un mal quelconque. Il craignait le mal qui allait lui arriver de la part de ceux qui allaient, par exemple, essayer de l'attraper, du fait que, de la part de ceux qui voulaient l'attraper, par exemple. Mais en même temps, comme le cheikh il explique, à la fin du verset 175 dans Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: alors ne les craignez pas, mais craignez-moi si vous êtes croyants. Dans ce surah, le cheikh il explique que c'était révélé à propos de l'histoire à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de Uhud. Les mouchrikoun avaient promis qu'ils allaient revenir. Ils ont dit: on va revenir puis on va vous exterminer. Les mouchrikoun ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: on va revenir puis on va vous éliminer complètement. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset en disant: ça c'est uniquement le shaitan qui veut vous faire peur par ses alliés parmi les hommes. Alors ne les craignez pas, mais craignez-moi si vous êtes des croyants. Et donc le croyant il ne doit pas avoir peur des hommes, il ne doit pas avoir peur des alliés du shaitan, il doit avoir peur uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça rentre là-dedans. Les ulama ils ont mentionné aussi parmi les craintes, les formes de craintes qui sont interdites pour le croyant, c'est le fait d'avoir peur des hommes au point d'abandonner ce que Allah t'ordonne de faire à cause de cette crainte-là ou de cette peur-là. Hein? Donc t'as peur des kuffars par exemple, alors tu vas arrêter d'adorer Allah à cause de ça. Tu vas arrêter de faire la da'wah à Allah. Tu vas arrêter d'ordonner le bien ou d'interdire le mal. Hein? Ou de dire la vérité à propos de Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu as peur des kuffars et des mouchriquins. Donc ça rentre dans cette forme de crainte-là qui est interdite dans l'islam. Donc nous, on va s'arrêter ici, inshallah. Puis on continuera la semaine prochaine, inshallah. Non, la semaine prochaine, je vais pas être là. Je vais revenir seulement le 16 juin. Donc c'est seulement après. Je vais partir un mois, donc Inch'Allah, je ne vais pas être là pendant toutes les semaines qui vont suivre, les 4 semaines suivantes, je ne vais pas être là. Je vais seulement revenir au mois de juin, Inch'Allah, vers la mi-juin. Et puis à ce moment-là, Inch'Allah, il y a le Cheikh Mohamed Ramzan Al-Hajiri qui va venir, Inch'Allah. Il a confirmé qu'il a son visa, il a reçu le visa, alhamdulillah. Donc il va venir. Il va venir à Toronto en premier, puis il va venir à Montréal, puis aussi peut-être à Ottawa. Il va passer par Ottawa aussi. Donc j'ai parlé avec le cheikh avant-hier, ou non, vendredi, puis Inch'Allah, donc on va faire le programme, puis vers la mi-juin, Inch'Allah, le cheikh il va venir. Donc c'est un des grands shuyukh maintenant parmi les tulab ilm en Arabie Saoudite. Il a étudié avec les grands ulama de notre époque, donc on va, Inch'Allah, bien profiter de sa venue à Montréal, Inch'Allah. Donc, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.